entre comme une porcelaine dans un magasin d'éléphants. Et lui balbutie à peine le prix des médicaments. Non, jamais il n'oserait dire Joséphine à Joséphine. Elle vient comme toutes les semaines emporter 1000 médecines. Elle ôte devant lui ses mitaines, il voit les anges de même ligne. Enfin parler à la gamine. Il avait rendu trop de monnaie, petite conversation futile. Mais c'était seulement la sœur de Joséphine, Valentine. Il a cherché dans tous ses grimoires un vrai remède à Joséphine. Mais il sait qu'il perd rien qu'à l'avoir, toute sa réserve d'adrénaline. Jamais il ne guérira de Joséphine, sa Joséphine. Le pharmacien ne va pas bien. Trop de vitamines, de pilules, de dragées, d'amphétamines. Oui, mais s'il le lui disait, elle irait à la pharmacie voisine. Alors il se tait, il tient Joséphine. Alors il se tait, il tient Joséphine. Alors il se tait.